Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelles sont les nouvelles cultures politiques à partir des années 1990, demande Pierre Auzan-Vallon. Comment le mot « république » est-il revenu en force au milieu des années 80, période d'essoufflement et de jachère des idées ? Qu'est-ce qui se met en place avec le néo-républicanisme d'un Jean-Pierre Chevènement et d'un Régis Debray ? Et comment le FN est-il passé du petit parti au Roland de Haine des années 1970 au grand parti national-populiste et national-protectionniste des années 2000 ? Pierre Auzan-Vallon, intellectuel atypique, historien, philosophe, passé d'HEC à la CFDT puis à l'École des hautes études en sciences sociales avant le Collège de France où il est titulaire de la chaire Histoire moderne et contemporaine du politique, mêle son itinéraire personnel à une vaste fresque collective où il interroge l'histoire politique et intellectuelle de 1968 à 2018. Il scrute les avant-gardes, les nouveaux mots et les concepts qui reviennent, les malheurs du temps présent, le désenchantement démocratique, les mots qu'il appelle caoutchouc, populisme, néolibéralisme. Le cours précédent s'était achevé sur l'ascendant technocratique et sur la sociologie de la Fondation Saint-Simon, qui réunissait universitaires français et étrangers sollicités par François Furet et des figures de patrons réformateurs ou aux talents innovateurs rassemblés par Roger Fauroux, alors président de Saint-Gobain, mais aussi des hauts fonctionnaires et des membres de la société civile. Cet ensemble a formé entre 1982 et 1999 un milieu de type gestionnaire technocratique qui a pu faire penser au club Jean Moulin des années 60 en suscitant bien des fantasmes. Pierre Auzan-Vallon, qui a vécu ce premier think tank français de l'intérieur, rappelait qu'on avait alors parlé de cercle de la raison. Quel mu se produit alors au tournant des années 1990 ? Quelles sont les grandes ruptures ? Quelle page va se tourner avec la fin de la Fondation Saint-Simon, de ce premier think tank réunissant universitaires et patrons réformateurs, partisans de l'économie de marché, loin du riganisme ? Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 17 janvier 2018 pour le cours de Pierre Auzan-Vallon, aujourd'hui, nouvelle culture politique du néo-républicanisme au nouveau FN. On était en ce début des années 80 aux antipodes d'une culture riganienne ou thatchérienne. Dans Capitalisme contre capitalisme, Michel Albert se fera le chantre d'un capitalisme rénant, régulé et faisant une large part à la négociation collective en s'opposant fortement au modèle anglo-saxon. Jean-Louis Beffa, qui avait succédé à la tête de Saint-Gobain à Roger Fauroux, Roger Fauroux étant devenu ministre de Michel Rocard, il ne cessera de son côté de plaider pour un colbertisme à la française et écrira des ouvrages avec Robert Boyer, le fondateur de l'école de la régulation, avec Michel Aglietta. Et lorsqu'il sera retiré de la Caisse des dépôts, Robert Lyon choisira de ne pas collectionner, comme c'est d'habitude le cas pour ce genre de personnage, les postes d'administrateur pour présider Greenpeace France. Et Jean-Pierre Levade publiera de son côté « Le capitalisme absolu », une violente charge contre l'ultralibéralisme. Tout cela dessinait un milieu qui avait un côté « old school », aux antipodes de ce qu'esquissait alors la vague montante des grands patrons qui accompagnait l'avènement d'un capitalisme actionnarial agressif qui sera symbolisé par les noms de Bernard Arnault, Vincent Bolloré, François Pinault ou Jean-Marie Messier, qui étaient tous de la race des repreneurs, voire des dépeceurs, plus que des entrepreneurs schumpeteriens. C'était eux les champions du nouveau capitalisme qui allait imposer sa loi, et non les membres de Saint-Simon qui constituaient plutôt la queue de comète d'un réformisme du passé. Et dans la décennie 1980, ce sont par ailleurs des proches de Mitterrand comme Pierre Berger, Roger-Patrice Pellat, Jacques Séguéla ou Bernard Tapie qui symboliseront de leur côté les années fric et chic. Et ce sont, au début des années 1990, les jeunes inspecteurs des finances rassemblés au cabinet de Pierre Bérégovoy, alors ministre des Finances, comme l'emblématique Jean-Charles Naouri, qui seront les agents décidés de la dérégulation financière et donneront le top départ d'une rupture historique à l'échelle mondiale. La critique principale qui pouvait être adressée à ce milieu saint-simonien était justement qu'il était old school, immergé dans une culture technocratique de la certitude d'incarner l'intérêt général et le bien public. Cette culture qui avait présidé à la modernisation française des Trente Glorieuses. Mais cette caractéristique avait, à ce moment, été gommée par un autre phénomène, l'aura médiatique qui s'était constituée autour de l'institution. Elle avait plusieurs ressorts. Le fait qu'une partie de ses membres ait été des puissants et qu'elle comptait des personnalités connues, dont certains des journalistes et des patrons de presse les plus importants du pays. Le fait aussi que plusieurs de ses publications aient reçu un important écho médiatique. Ces deux facteurs avaient évidemment compté. Mais c'est surtout un emballement typiquement médiatique, paradoxalement alimenté par ses détracteurs, qui lui a donné une importance disproportionnée à sa réalité. Le petit nombre de ses membres avait aussi beaucoup joué pour alimenter le fantasme d'un lieu de pouvoir clos et surpuissant, qui rassemblait en un même lieu les différentes catégories d'élite du pays, lors de déjeuners, débats mensuels auxquels participaient une trentaine de personnes. D'abord d'ordre presque traditionnel, en s'apparentant par exemple à certains clubs des années 1960 ou encore à la composition des commissions du commissariat au plan, ce rassemblement avait du même coup progressivement et insensiblement changé de nature. Dès les années 1980, le fait d'en être membre était en effet devenu un facteur de distinction sociale, jugé d'autant plus valorisant que les places étaient limitées et nombreux les prétendants et conduits. La protection d'un certain entre-soi ne faisait que rendre plus désirable le fait de figurer ainsi parmi les happy few. Et nombreux étaient ainsi ceux qui mentionnaient comme un titre des plus précieux leur appartenance dans leur notice du Wuzhou. Il s'en est dégagé de la sorte une image élitiste et presque mondaine dont je n'ai pas tout de suite perçu les aspects délétères. L'image d'une unification des élites du pays se trouvant en total porte-à-faux avec les nouvelles attentes démocratiques qui se faisaient jour à l'époque. Parce que l'animation intellectuelle de l'institution n'était qu'une activité relativement secondaire pour moi, ne m'occupant que deux ou trois demi-journées par semaine, j'étais moi-même indifférent aux effets de reconnaissance dérivés de ma position, voire même gêné par eux, d'abord préoccupé que j'étais par le rôle que pouvaient jouer mes livres, à l'écriture desquels je consacrais l'essentiel de mon temps. Mais aussi, c'est pas tant pour moi rétrospectivement, parce que ma vision du monde et des gens avait en même temps été insensiblement parasitée par le fait d'être plongé dans un univers qui était devenu bien loin de celui qui avait été le mien dans les années 1970, tout en ayant fait un certain écho au monde des commissions du plan dont j'avais été familier quand j'étais à la CFDT. Car à la CFDT, j'avais notamment coordonné la présence des membres du syndicat au moment de la préparation du sixième plan. Je ne l'ai longtemps pas perçu, tant les développements d'une pensée magique me semblaient alors les plus menaçants. Et c'est seulement beaucoup plus tard que j'ai pris conscience du poids problématique de nos aversions dans la détermination des chemins que nous suivons. Nous mettons en effet souvent plus d'énergie à écarter ce qui nous inquiète ou nous révulse qu'à préciser ce que nous voulons édifier. Et c'est le sentiment diffus d'une certaine dérive de mon port d'attache qui a commencé à s'installer à partir des années 1990, que j'ai ressenti surtout à la fin du ministère Rocard. Car la présence de Rocard à Matignon avait en effet renoué pour un temps le fil des espérances du passé, dissipé la morosité ambiance, redonné un sens pratique aux réflexions sur la modernisation à poursuivre et les réformes sociales à accomplir. Cela avait ensuite été comme un retour en arrière. Et je m'étais personnellement réfugié dans la rédaction de ma trilogie sur l'histoire de la démocratie française. Et c'est un peu plus tard, à l'hiver 1994, que j'ai clairement pensé qu'il fallait tourner la page au moment où Alain Minc s'est engagé aux côtés d'Édouard Balladur dans la campagne électorale. J'ai réagi à cette position en prenant moi-même position dans un sens inverse, mais aussi en reprenant intellectuellement le fil de mes réflexions intérieures sur la justice en écrivant la nouvelle question sociale qui proposait un cadre, une redéfinition de gauche de l'État-providence. Et en lançant ensuite, avec Le Monde et la revue Esprit, le projet d'un grand forum à la Maison de la Culture de Grenoble sur les conditions de la rénovation de la vie intellectuelle et politique du pays. Et je voulais de cette façon rompre avec la morosité ambiante et tenter de relancer un nouveau cycle de travail collectif. Et 10 000 personnes se retrouveront ainsi à Grenoble en octobre 1996 autour de ce projet baptisé « Régénération ». Avec des intellectuels, des professionnels du monde culturel et social, des responsables associatifs et aussi tout un ensemble de romanciers, d'artistes et de cinéastes de la nouvelle génération, et aussi bien Arnaud Desplechin que Pascal Ferrand, Claire Denis, Bruno Podalydès, Christian de Pozan-Parc, Laurent Garnier, Christine Angot feront partie de l'entreprise. Et ce sera le prototype d'une série de manifestations publiques que j'organiserai plus tard dans cette MC2 de Grenoble, sous l'égide de la République des idées. À ce signal de changement de l'année 95 et 96, j'avais aussi constaté que le pays vivait une transformation des conditions du débat public. Le débat déclenché par la ratification du traité de Maastricht en 1992 m'avait déjà alerté par le type de polarisation qu'il avait sous-tendu. Mais le problème était progressivement devenu pour moi beaucoup plus large. Il tenait au fait que c'était de moins en moins la compétition entre des programmes de gauche et de droite, par exemple, qui structuraient le pays, et que le grand clivage devenait celui qui opposait les partisans d'un réalisme qui prétendait dessiner les traits d'une politique incontournable et les dénonciateurs d'une pensée unique qui en restait à ce rejet. La vision élitiste technocratique et le simplisme qui allait être ensuite qualifié de populisme avaient de la sorte commencé à faire système. Et les prétentions de la pensée unique et les récriminations au nom d'un peuple unique se confortant mutuellement, la critique de la démagogie des uns se liant à la dénonciation de la prétention des autres à incarner le bien commun. C'était la vie démocratique qui se trouvait dévitalisée dans ce face-à-face. Et alors, c'est le moment où j'ai pris conscience de la nécessité absolue de ne pas lier le réalisme politique que je continue à considérer comme cardinal à l'idée d'un « one best way ». Et qu'il fallait donc l'intégrer dans une vision pluraliste des possibles et faire vivre un type démocratique de dissensus à travers les analyses ou les propositions qui pouvaient être formulées. Et c'est dans ce contexte que j'ai décidé de dissoudre la Fondation Saint-Simon, non pas simplement de rebondir personnellement et de partir ailleurs, mais de mettre fin à l'institution qui représentait une certaine époque de la société française des années 80 et du début des années 90, et qu'il ferait dorénavant, me semble-t-il, passer à d'autres urgences et à d'autres objectifs. Après avoir analysé les trois grandes modalités de piétinement des années 1980, la jachère des idées, les modalités d'essoufflement politique, puis les formes d'engourdissement, les quatre cours qui suivent maintenant vont être consacrés à décrire le nouveau paysage intellectuel et politique qui s'est mis en place à partir des années 1990. Si les effets du tournant de politique économique de 1983, avec tout ce que ce tournant impliquait politiquement, ont continué à produire leurs effets sur la longue durée, ce sont aussi d'autres dates qui se sont avérées marquantes. Au premier chef, la date de 1995. La date de 1995 pour deux raisons. C'est d'abord la fin de l'ère Mitterrand. La fin de l'ère Mitterrand, ça n'est pas simplement le départ d'un personnage qui a joué le rôle que l'on sait dans l'histoire politique française de cette période et des périodes antérieures. C'est aussi la disparition d'une personne qui assurait la possibilité d'une cohérence ou en tout cas d'un maintien des rapports entre différentes familles de gauche dont on verra qu'elles prendront progressivement leur distance les unes vis-à-vis des autres à partir de ce moment-là. Il avait une dimension de ciment unificateur, pourrait-on dire, dans la foulée de ce qu'avait été le congrès de 1971 de réunification des socialistes et bien sûr les conditions de sa victoire en 1981. Mais 1995 aussi, ça a été, après l'élection de Jacques Chirac, le moment des grandes grèves de l'hiver 1995, avec tout le retentissement qu'elles ont eu dans le pays par le fait de la dimension de ces grèves, mais aussi le retentissement qu'elles ont eu dans la vie intellectuelle et, je le montrerai, aussi dans la constitution de nouvelles références dans la gauche française. Et puis enfin, bien sûr, la date de 2002. La date de 2002, parce que c'est à la fois, à la grande surprise, l'échec de Lionel Jospin à figurer au second tour de l'élection présidentielle, et bien sûr, le fait que le Front National soit présent à ce second tour de l'élection présidentielle. C'est aussi, en termes intellectuels, peut-être plus mineur, mais je le signale, parce qu'il y a eu cette semaine la disparition d'un professeur de Paris 8 qui s'appelait Daniel Lindenberg, qui était un historien des idées, qui avait publié en 2002 un livre ayant pour titre « Les nouveaux réactionnaires, le rappel à l'ordre », qui avait fait couler beaucoup d'encre et précipité, disons, tout un ensemble à la fois de réflexions et de fractures dans la vie intellectuelle. Ce nouveau paysage qui se dessine dans les années 1990, il a trois caractéristiques. Une première caractéristique, c'est qu'on voit qu'il marque l'émergence de nouvelles cultures politiques, relativement inédites dans le pays. D'abord, l'émergence d'une culture souverainiste qui se détache du socialisme, et ça va être le passage de l'idée socialiste à l'idée républicaine, symbolisée par l'évolution de Jean-Pierre Chevènement. Ce sera, en second lieu, la mise sur orbite dans des conditions nouvelles du Front National qui, au-delà du petit parti d'extrême droite qu'il était, va devenir un parti qu'on a pu qualifier à partir de cette période de national populiste. À côté de l'émergence de ces nouvelles cultures politiques, on va voir aussi un certain nombre de mutations à l'intérieur même de la gauche, avec la formation de ce que j'appellerais une gauche de résistance, et puis les transformations de la gauche de gouvernement, qui sur le tard se déclara social-démocrate, mais en même temps, sans avoir jamais fait le procès, ou en tout cas l'analyse, de ce qu'on appelait en Angleterre le New Labour, le social-libéralisme. Et puis, en troisième lieu, c'est un grand retournement intellectuel qui est distinct, je pense, simplement de l'émergence des nouvelles cultures politiques, dont je m'attacherai à décrire les principaux traits. Dans ce travail, je rappelle de mémoire et d'histoire que c'est bien une histoire particulière, intellectuelle et politique que je fais. C'est une histoire subjective à partir de mes rencontres, de mes lieux, de mes attentes, de mes désenchantements, aussi de mes aveuglements, mais aussi mes tentatives de conceptualisation successives. Car si je prononce au Collège de France ce cours, c'est bien parce que une histoire particulière peut permettre, dans les conditions dans lesquelles je l'établis, de faire progresser la conceptualisation des phénomènes politiques contemporains. Je commence donc aujourd'hui par l'examen des nouvelles cultures politiques qui ont émergé à partir des années 90 et pour certaines dans une préparation qui remonte aux années 1970. Pour ma génération, on peut dire que le terme de république, il n'évoquait pas grand-chose. Il n'évoquait que le passé dans les années 60 et 70. Et s'il rappelait de grandes pages d'histoire, c'est un terme qui paraissait trop usé pour nourrir un quelconque langage d'avenir. Il n'avait plus cours que dans la rhétorique convenue des discours de commémoration ou sous la plume peu inspirée de notables vieillis. C'était un terme refroidi. Il n'y avait alors plus qu'une poignée d'anciens militants des Camelots du Roi, des Croix de Feu ou du régime de Vichy pour s'enflammer sur le sujet et continuer à maudire la gueuse. Aussi avait-ce été avec un choc pour moi quand les responsables du CRS décidèrent de réhabiliter cette République et de s'en faire des champions dans les années 1980, tout en déclarant simultanément dépasser la référence au socialisme. Ce basculement allait donner le signal de départ d'une recomposition intellectuelle et politique majeure dont les effets ne cesseront ensuite de s'étendre bien au-delà des cercles représentés par Jean-Pierre Chevènement. Il faut rappeler que le CRS de ce Jean-Pierre Chevènement avait constitué dans les années 1970 l'aile gauche du Parti socialiste. Il s'y était fait le promoteur de l'autogestion et simultanément le gardien du dogme marxiste dans le parti. Et c'était aussi autour de ces idées qu'avait été élaboré le programme commun de 1972, programme dont l'inspiration guédiste avait permis d'obtenir l'assentiment du Parti communiste. Après l'arrivée de Michel Rocard et des syndicalistes au Parti socialiste en 1974, ce CRS s'était vu menacé dans sa position de courant novateur, dans le monopole qu'il avait en quelque sorte sur la gauche du parti. Et il s'était du même coup réaffirmé fortement en champion de l'orthodoxie marxiste collectiviste contre une gauche qu'il commençait à qualifier d'américaine. En 1981, Jean-Pierre Chevènement avait obtenu au gouvernement un poste de choix en étant nommé ministre d'État chargé de la recherche et de la technologie. Et il avait démissionné 2 ans plus tard, critiquant le tournant de la politique économique du printemps 1983. Il quittait le gouvernement, alors je le rappelle, que les ministres communistes n'avaient à cette époque-là pas quitté le gouvernement. Et la stupéfaction avait été qu'ainsi classiquement tombé à gauche, disons, il est lancé quelques mois plus tard, à l'écart du CRS, un club de réflexion au titre inattendu « République moderne ». Jean-Pierre Chevènement s'en expliquera en disant qu'il avait réalisé dès 1981 que le socialisme ne pouvait plus être à l'ordre du jour en France et que la notion de République moderne était donc, dans ce cadre, pour lui, la façon d'adapter le projet socialiste aux réalités. Un type d'adaptation qu'il opposait au faux réalisme de ceux qui se contentaient, disait-il, de passer d'un libéralisme plus ou moins honteux à un libéralisme proclamé. Et c'est en ces termes qu'il appréhendait le tournant de 1983 et la position des rocardiens en même temps. Et au-delà de l'appel incantatoire à une république conquérante et de l'invocation des mânes de Pierre Mendès-France et de Jean Jaurès, commençait à s'esquisser dans cette direction une nouvelle culture politique et sociale en rupture avec les références antérieures du CRS. L'ennemi avait d'abord pour celle-ci un nouveau visage, celui du mondialisme libéral. Il n'était en conséquence plus tant question de capitalisme, d'exploitation ou d'émancipation du travail que d'indépendance nationale et de résistance à ce qu'il appelait alors l'ordre américano-japonais. Et la restauration d'un État fort et volontariste étant supposée être l'outil principal de cette politique d'indépendance nationale et de résistance à cet ordre américano-japonais. Parallèlement à la dénonciation de cette menace qui pesait du haut et de l'extérieur sur l'économie et la société, le CRS stigmatisait un individualisme sans principe qu'il qualifiait de désintégration par le bas de la société. Cette évolution sera consacrée plus tard, peu de temps plus tard, en 1986, par la dissolution du CRS et sa requalification en socialisme et république. Si le terme de socialisme était repli, il ne désignait plus tant un horizon immédiat qu'un horizon très lointain, un peu, si l'on veut, comme celui du communisme dans le monde soviétique. Et Jean-Pierre Chevènement et ses amis ne cessaient de se justifier en citant Jaurès d'abondance, Jaurès qui affirmait que le socialisme est l'accomplissement de la République. Donc pour attendre un socialisme qui semblait très long à venir, il fallait d'abord se soucier d'accomplir cette République. Et cette pétition de principe n'était là que pour mieux légitimer le nouveau cours d'un combat qui participait de ce principe fondamental que la République n'est pas en deçà du socialisme. Elle est dans le mouvement de constitution du socialisme, d'où l'objectif, je cite les termes du Cérès, d'une République avancée. Objectif qui était formellement inscrit dans la continuité des combats passés du Cérès pour conforter des militants dont beaucoup ont alors été désorientés. Pour rester fidèle à soi-même, il faut savoir changer, lançait alors Jean-Pierre Chevènement, comme on le verra dans un roman célèbre sicilien qui montrera à partir de ce moment-là que toutes les lâchetés peuvent se définir par le fait que l'on reste soi-même en se changeant ou en trahissant. Mais cette démarche marquait pourtant bien une double rupture en matière de doctrine autant qu'en termes sociologiques. En mutant le Cérès, qui s'était auparavant fait le champion de la rupture avec le capitalisme, passait d'abord de cet anticapitalisme à un antilibéralisme. La distinction était essentielle. Alors que la critique du capitalisme est celle d'un mode de production fondé sur l'exploitation et sur l'aliénation du travail, autant que sur l'impossibilité d'assurer le plein développement des forces productives dans la définition marxiste classique et que l'on peut moduler si l'on veut, l'antilibéralisme est à la fois plus large et plus diffus. Plus large, car la notion d'antilibéralisme superpose des éléments de critique économique avec une certaine vision du monde et de la culture. En termes économiques, la critique du marché comme mode de régulation l'emporte du même coup sur la critique du travail aliéné. Même si c'était exprimé chez Jean-Pierre Chevènement dans des termes un peu énigmatiques, lorsqu'il disait par exemple qu'entre le marché et le socialisme, il y a place pour autre chose, la République. Il s'agissait en fait plus largement de fustiger le fait même d'une ouverture des économies au nom du primat qui devait être donné à une vision nationale du monde. En effet, la mondialisation en marche était dès ce moment-là assimilée, je le cite, à une colonisation douce. Cela s'accompagnait simultanément d'une dénonciation de ce qu'on appellera plus tard le libéralisme culturel. Libéralisme culturel correspondant pour socialisme et république à une américanisation du monde, c'est une de leurs expressions favorites de l'époque, et à l'avènement d'un individualisme dévastateur. Un tel antilibéralisme mêlait de la sorte de forts accents antimodernes et nationalistes à des éléments habituels, disons, de critique économique et sociale. C'était parallèlement une vision très particulière de la démocratie qui était défendue. Une conception que l'on pourrait dire substantielle, opposée à la conception plus classiquement procédurale. Les dirigeants de l'ex-CRS moquaient ainsi volontiers l'attachement que la deuxième gauche portait aux mouvements sociaux, à l'expression des différences et à une culture de la délibération. Pour eux, démocratie voulait d'abord dire règne de l'intérêt général et donc affirmation d'un État fort qui en soit le garant et l'agent. Ils parlaient d'un modèle de démocratie fondé sur le citoyen et donc sur l'école. Mais cette école n'était pas tellement celle de l'apprentissage de l'autonomie que celle, pour reprendre une formule révolutionnaire française, de la mise au moule dont n'avaient cessé de rêver de nombreux réformateurs. Elle devait en effet pour eux produire une communauté de citoyens immédiatement identifiés à l'intérêt général, le commun devant s'affirmer comme une donnée et non pas comme un objet de négociation. Et Jean-Pierre Chevènement fera pour cette raison du livre de Jean-Claude Milner « De l'école », publié en 1984, un de ses livres de chevet quand il sera ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement de Laurent Fabius de 1984 à 1986. S'il avait démissionné du gouvernement en 1983, il le réintégrera en effet après la nomination de Laurent Fabius faisant suite au départ de Pierre Mauroy en 1984. C'est Régis Debray qui théorisera le bien fondé de cette réinstitution républicaine en critiquant vertement ceux qui travaillaient à ériger l'idéal démocratique en nouvelle étoile du progressisme politique. Idéal qui avait été reforgé, je le rappelle, dans le moment de la critique antitotalitaire. L'idée démocratique étant à ce moment-là élargie comme une vision de la réinstitution du social et pas simplement comme de la régulation, disons, des institutions politiques. Dans un article qui avait marqué les esprits, publié en 1989 dans le Nouvel Observateur et qui avait pour titre « Êtes-vous démocrate ou républicain ?», il avait instruit de cette façon le procès de la démarche qu'un certain nombre d'entre nous étions à entreprendre autour de Claude Lefort pour redonner sens et force à une vision de la démocratie ramenée justement à son expérience, à sa dimension émancipatrice. Et la dénonciation de cette démocratie en redéfinition avait été implacable sous la plume de Debray. La démocratie n'était pour lui composée que de procédures et de droits, alors que la République faisait lien, elle. La République était régie par l'idée universelle, alors que la démocratie ne s'épanouissait que dans des espaces spécifiques, communautaires ou locaux. Au-delà de cette critique théorique, la démocratie était régie à ses yeux par le monde de la communication, alors que la République était fondée sur l'institution. Et son pamphlet s'emballait même pour considérer que les nœuds névralgiques de la République étaient la mairie et l'école, alors je le cite, que pour la démocratie, c'était le temple et le drugstore. Et plus grave encore, disait-il, la démocratie était américaine, et pire même, les inspecteurs des finances l'adorent. L'acte d'accusation ayant été établi en ces termes, aussi fort que peu argumenté, pourrait-on dire, il pouvait en conclure lapidairement que la démocratie porte en elle l'anéantissement de la chose publique. Et quelle est cette démocratie, le libéralisme poussé jusqu'au bout? Alors qu'à l'inverse, disait-il, la République est l'accomplissement du socialisme. Et à partir de ce moment, de cet article, Régis Debray s'imposera comme l'une des figures intellectuelles majeures de ce courant que l'on peut dire néo-républicain. Cette prééminence donnée à l'idée de république allait logiquement de pair avec un retour à la nation. République voulait en effet dire, pour Jean-Pierre Chevènement, accent mis sur le pays pris en bloc, exaltation de la France comme socle de l'identité collective. Et la nation prenait dorénavant le pas sur la référence précédente à la société, comprise avec ses divisions et ses conflits comme société de classe. Ce caractère de classe se trouvait, en effet, estompé, ou en tout cas minimisé. C'était le point clé du passage de l'ancienne vision marxiste à la réhabilitation de la centralité républicaine. Celui qui était l'intellectuel organique de ce courant, Didier Motschan, décédé récemment également, disait « Maintenant, la classe ouvrière et la nation ont parti liés. » C'est le rôle du parti, poursuivait-il, de délivrer la classe ouvrière et la nation de ses illusions pour lui faire prendre conscience de la solidarité de destin qu'il identifie plus complètement que jamais à la nation française. Si l'enjeu majeur de la fin du XIXe siècle, du XXe siècle, était pour eux le fait de savoir si la France survivra comme grande nation maîtresse d'elle-même ou si elle sombrera définitivement dans un empire, cette appréhension des choses était logique. Mais tout le problème était de savoir si cette appréhension radicale de l'impératif d'émancipation et de ses formes correspondait à une analyse pertinente de la question sociale. J'en doutais de mon côté, j'étais même abasourdi de lire ses analyses et ses propositions sous des plumes qui n'avaient cessé de donner des leçons de marxisme à la deuxième gauche. Avec ce que j'avais appris d'histoire, en commençant à me plonger dans le XIXe siècle pour écrire mon livre sur Guizot, j'étais même stupéfait de retrouver dans ce néo-républicanisme, disons, des formules précédemment dues à des milieux conservateurs. Sous la monarchie de Juillet, c'était ainsi les milieux revendiquant des mesures protectionnistes qui avaient prétendu dissoudre la question sociale dans une incantation nationale. Un Charles Dupin, qui était un des grands défenseurs du protectionnisme et qui était un des responsables de l'Association pour la défense du travail national, qui jouera un rôle très important dans les années 1830, disait que grâce aux barrières douanières, la figure du prolétaire s'efface et cède la place à celle d'ouvrier, je le cite, regroupé sous l'égalité glorieuse du drapeau tricolore. Pour rester dans le vrai, avait dit ce Dupin, parlons d'ouvriers français et non plus de prolétariat. Et les discours politiques et sociaux des années 1890, tenus au moment du choc causé par la première mondialisation, avaient aussi un même air de parenté avec ceux qu'écrivaient alors ceux qui se présentaient comme des refondateurs de l'idéal républicain. La fin du XIXe siècle, en effet, un des moments d'expression les plus manifestes du national-protectionnisme. Le Collège de France et France Culture vous présente Pierre Auzan-Vallon, aujourd'hui, nouvelle culture politique au tournant des années 1990, du néo-républicanisme au nouveau FN. Relu aujourd'hui, ces analyses du milieu des années 1980 apparaissent puissamment annonciatrices des grands reclassements politiques ultérieurs. Mais j'avais alors de la peine à en saisir pleinement la portée. Je les attribuais légèrement à des esprits désemparés, retournant avec l'âge à leur frustration de jeunesse. Je rappelle qu'étudiant, Chevènement avait d'abord fréquenté le club Patrie et Progrès, qui militait pour le maintien de l'Algérie française. Je ne voyais pas le potentiel d'attraction que ces idées allaient receler. Et lorsque je lisais sous la plume de Chevènement que, je le cite, « la mode ultralibérale se brisera sur le caractère national », je n'imaginais pas que des formules de cette nature connaîtraient le puissant avenir qui allait être le leur. Cela, en raison même de leur contenu, qui entendait offrir une alternative à la dilution de l'idée socialiste dans les pratiques gestionnaires de la période, mais aussi du fait de leur capacité à redessiner de nouvelles lignes de partage dans la vie politique. Dès les premiers pas de son retournement, le CRS avait en effet souligné que le clivage central n'était plus entre la droite et la gauche, mais entre ceux de droite et de gauche qui voulaient résister à la normalisation mondialiste et défendre l'indépendance nationale sous la bannière d'une république refondée, et ceux, de l'autre côté, qui consentaient dorénavant à cet ordre du monde mondialisé et se prosternaient devant le veau d'or, alors, disait-il, qu'ils avaient prétendu changer la vie. Ce basculement politique et culturel majeur avait été dans un premier temps en partie dissimulé par la réhabilitation intellectuelle et politique concomitante dans le monde universitaire et médiatique aussi des grands républicains du XIXe siècle. L'ouvrage de Pierre Nicolet, « Histoire de l'idée républicaine en France », de 1982 avait notamment montré que la République avait eu des philosophes qui comptaient, comme des penseurs du social qui avaient été parmi les premiers théoriciens de l'État protecteur. Il dépoussiérait ce livre de Pierre Nicolet, l'histoire républicaine. Au-delà des figures canoniques du parlementarisme de l'époque qui sentait toujours le renfermer, son livre avait ainsi invité à redécouvrir les philosophies de Charles Renouvier et d'Henri Michel, deux philosophes qui avaient reformulé de façon très intéressante philosophiquement les conditions d'une autonomie des individus à l'âge d'une nouvelle socialisation. Ce livre avait aussi montré l'importance de la théorie du solidarisme de Léon Bourgeois pour conceptualiser le début d'un véritable État-providence en donnant une forte légitimité à l'impôt, à la redistribution et en reconsidérant le social comme étant de l'ordre d'une dette mutuelle des individus les uns envers les autres. Ce livre de Nicolet avait aussi souligné l'importance de juristes comme Maurice Auriout ou Léon Duguy, là quelques années plus tard, qui avaient puissamment reconceptualisé la notion de service public. Il soulignait encore l'importance qu'avait le républicanisme sociologique chez un Durkheim. De cette façon, la nouvelle attention qui était portée à ces auteurs, à ces écoles de pensée, avait participé d'une certaine façon de cette classe de rattrapage que j'évoquais dans mes cours précédents, et redorer intellectuellement le blason intellectuel du républicanisme, comme l'avait été à la même époque celui du libéralisme dans l'ordre des idées au moins, comme l'avait été aussi à la même époque celui du premier socialisme, avec la redécouverte de la figure de Pierre Leroux et un certain nombre de republications de ses ouvrages. Et cette réhabilitation française avait eu pour corollaire, dans le monde anglo-saxon, le nouvel accent mis sur l'importance de ce qu'on appellera le « civic republicanism » dans la formation de la modernité démocratique, question qui a joué un rôle central dans l'historiographie anglaise et américaine récente. Parce que, alors que des générations d'étudiants avaient considéré que c'était Locke qui était le père fondateur de la modernité démocratique, les travaux de John Pocock, les travaux de Quentin Skinner et de quelques autres avaient souligné tout ce que les trois grandes révolutions anglaises, américaines et françaises avaient dû à l'œuvre des anciens, ce qu'ils avaient dû à Cicéron, à Tite Live, ce qu'ils avaient dû à l'humanisme civique de l'Italie médiévale, ce qu'ils avaient dû aussi aux grands penseurs anglais radicaux du XIXe siècle, comme James Harrington et son livre Okeana, comme Algernon Sidney et ses discours sur le gouvernement, livres qui ont été considérés comme faisant vraiment les livres de base de la Révolution américaine. Livres aussi, c'est moins connu, mais qui ont été amplement commentés et réédités pendant la Révolution française. Ces grands penseurs britanniques de la République civique du XVIIe siècle ont en effet fait partie des sources intellectuelles qui ont notamment alimenté toute la réflexion constitutionnelle de l'année 1793, puisque c'est en 1793 que l'on voit de nouvelles traductions de Okeana d'Harrington et des discours sur le gouvernement d'Algernon Sidney. Toute cette tradition du républicanisme civique, représenté aussi par des auteurs comme Philippe Petit ou comme Maurizio Viroli, avait insisté aussi sur le fait que, dans l'écriture de la Constitution américaine, bien des publicistes s'étaient abrités derrière des pseudonymes empruntés aux Romains. Un des plus célèbres pères fondateurs américains signait ses papiers comme, sous le nom de Cato, par exemple. Et tout cela avait redonné dans le monde intellectuel une profondeur et des couleurs au terme de république, mais de façon relativement indépendante de ce mouvement politique que je viens de signaler. La république avait été intellectuellement revalorisée, dépoussiérée à travers ces nouvelles publications, à travers ses travaux intellectuels. Et dans l'opinion, plus largement, la nationalisation progressive de la figure gaullienne jouera son rôle pour restaurer la valence progressive de la référence à la République, comme en témoignera de façon exemplaire l'œuvre de Maurice Agulon. Maurice Agulon, qui finira par tirer un trait d'union entre les 48 arts de ses premiers travaux et le De Gaulle rencontré de ses derniers ouvrages, réconciliant de la sorte, il s'en expliquera, Marianne et la Croix de Lorraine. Le républicanisme du CRS ne sera pourtant pas la caisse de résonance d'un héritage ainsi recompris et élargi. Il apparaîtra plutôt comme rétréci sur les trois registres qui le constitueront de fait. D'abord, une conception défensive et restrictive de la laïcité. Ensuite, une vision conservatrice de l'école et de sa mission. Et enfin, une approche intégriste de la souveraineté. Intégriste, je voudrais dire intégraliste. Et trois événements structureront ensuite ce républicanisme mis en place par le CRS. D'abord, le déclenchement des prophéties alarmistes sur la décomposition du modèle scolaire, dont l'ouvrage déjà cité de Milner marquera le point de départ en 1984. Ensuite, la question du voile, qui suscitera un grand débat à partir de 1989. Et enfin, l'opposition à la ratification du traité de Maastricht en 1992. Ces trois éléments seront en quelque sorte les trois batailles autour desquelles se jouera la redéfinition et la montée en puissance de ce type de républicanisme. La bataille de l'école, elle, se nourrira en permanence d'images et de références traditionnelles. Et c'est sous l'étendard de Jules Ferry que se mènera le combat contre ce qui était simultanément décrit comme un recul des apprentissages élémentaires et une capitulation de l'institution scolaire face à l'avènement d'un jeunisme coupable. De son côté, d'abord appréhendé comme une simple affaire du foulard à l'automne 1989, la question du voile remettra de son côté à l'ordre du jour d'anciens débats sur la laïcité et son interprétation, dans lesquels nous sommes encore complètement pris. Mais elle conduira aussi à des interrogations inédites sur les formes et les conditions du vivre ensemble dans une société devenue plus diverse et dans laquelle les minorités de toute nature revendiquaient dorénavant haut et fort la reconnaissance de leur spécificité. Et c'est aussi parallèlement une certaine démonisation de l'islam qui dessinera progressivement de nouveaux clivages. Quant à l'Europe, elle cristallisera tant les appréhensions face au risque d'éclipse de la souveraineté et du déclin de la volonté politique que les déceptions liées à l'inaccomplissement des espérances mises en elle. Un mouvement qui culminera en 2005 avec la victoire du non au référendum sur le projet européen. Hantise du multiculturalisme et du communautarisme, désolation devant la supposée démission des maîtres et la négligence de la transmission des savoirs, spectre de la dilution de la volonté collective dans un espace européen abandonné à l'anonymat des forces du droit et du marché, la République ainsi exaltée n'a plus tant été celle d'un modèle politique et d'une société à inventer que l'expression de peur que l'on cherchait à conjurer, de peur diffuse et donc grandie par le flou de leur définition. Les résistances qu'elle charriait se sont de la sorte formulées autour d'une idéologie néo-républicaine donnant un goût de réaction à une entreprise présentée comme une salutaire restauration. L'avenir n'ayant plus d'autre visage que celui d'un retour à des figures idéalisées du passé. Une telle république étant de la sorte plus, finalement, de l'ordre d'une religion que d'un régime ou un programme. La deuxième grande mutation de la période, à côté de cet avènement d'une idéologie néo-républicaine qui va restructurer très puissamment tout le champ politique français, va être l'émergence d'un national-populisme à partir de l'extrême droite. Lorsqu'il avait été fondé en 1972, le Front national avait rassemblé un ensemble de groupuscules qui se reconnaissaient alors dans l'appellation de droite nationaliste. C'était une superposition de nostalgie et de marginalité. Le caput mortuum, pourrait-on dire, d'un ensemble des plus sinistres dérives politiques et intellectuelles du pays. On y retrouvait, en ce début des années 70, des membres de formations néo-fascistes et néo-nazis des années 30, des défenseurs du maréchal Pétain, des anciens de l'OAS, des membres des comités Tixier-Vignancourt, comité qui s'était formé lors de l'élection présidentielle de 1965. Intellectuellement et culturellement, se situaient dans son orbite des héritiers de Charles Maurras, alors encore fréquemment cité, des chrétiens traditionnalistes proches de Mgr Lefebvre, chrétiens qui occuperont à partir de 1977 l'église Saint-Nicolas du Chardonneret, près d'ici à Paris, qui comprendra aussi des négationnistes exaltés, aussi bien que les doctrinaires sulfureux du Grèce, dont je dirai quelque chose dans une séance prochaine. Tout cela formait une nébuleuse composite, éclatée entre de nombreuses petites chapelles, parfois concurrentes et même ennemies. Mais tous partageaient une même haine du gaullisme, et souvent un antisémitisme viscéral, des sentiments xénophobes profondément ancrés et une même hantise du mélange des races. Et tous se comprenaient comme les défenseurs d'un Occident qu'ils voyaient, au-delà de la menace communiste, attaqué dans son identité profonde par les valeurs modernistes et libérales, autant que par le péril migratoire. Mais ce front national, ainsi constitué, ne pesait du même coup politiquement que du poids de cette addition groupusculaire. Et aux élections législatives de 1973, les candidats du Front national ne recueilleront ainsi que 1,32% des suffrages exprimés. Et Jean-Marie Le Pen avait dû se contenter de 0,74% des voix au premier tour de l'élection présidentielle de 1974. C'était un parti dont on pouvait penser qu'il représentait le passé, celui des haines recuites et des idéologies les plus douteuses. Cette dimension d'extrême droite, ancrée dans les rancœurs et les nostalgies, persistera longtemps. Les multiples saillies de Jean-Marie Le Pen sur le détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale ou l'humanité de l'occupant allemand, ainsi que son goût pour les formulations à double sens qui lui permettaient d'exprimer son antisémitisme en témoigneront. Et les organisations étrangères avec lesquelles il était lié en seront aussi l'expression, voire le MSI italien, le mouvement britannique d'Enoch Powell ou encore les néo-nazis autrichiens. Mais du sein même de cette continuité, le Front national réussira à monter électoralement en puissance dans le contexte de fin des Trente Glorieuses et de progression en flèche du chômage. Fort de ses slogans « Les Français d'abord », « Mettre en avant la préférence nationale »,« 2 millions de chômeurs, ce sont 2 millions d'immigrés de trop » et de sa mise en avant de la question sécuritaire, son audience fera un spectaculaire bond en avant dans les années 1980. Le parti obtiendra ainsi plus de 11% des suffrages aux élections européennes de 1984 et son chef montera près de 15% lors du premier tour de la présidentielle de 1988. Désormais solidement installé dans le paysage politique français, il atteindra des scores encore plus importants et obtiendra des élus à tous les niveaux de l'organisation politique et territoriale de l'espace français, le score du parti culminant ensuite à 24% aux élections européennes de juin 2014. Outre les facteurs proprement économiques et sociaux qui ont sous-tendu cette progression, la montée en puissance du Front national se nourrira aussi du désenchantement démocratique qui s'amplifiera à partir de la fin des années 1980, sous les espèces d'une crise de la représentation et d'un sentiment d'abandon qu'exprimeront un nombre croissant de Français. En se faisant le champion de la dénonciation de la bande des quatre et de l'établissement, il récoltera les dividendes de sa stigmatisation des élites et de sa dénonciation du système, l'allégorie du coup de balai faisant son apparition sur ses affiches dès le début des années 1990. En étant progressivement multiplié par 15 ou 20, ces électeurs avaient du même coup changé de visage. Bien au-delà des petits cercles réactionnaires ou des milieux socio-professionnels sensibles aux accents poujadistes d'un Jean-Marie Le Pen, rappelons qu'il avait été élu député en 1956 et en 1958 sur les listes du libraire de Saint-Céré. Le Front national avait désormais recueilli les suffrages de bien d'autres catégories de Français. Et la progression de sa pénétration dans le monde ouvrier sera notamment spectaculaire. Moins de 3% des ouvriers avaient voté Le Pen en 1974. Ils étaient 30% 20 ans plus tard et la moitié en 2012. Les chiffres montreront aussi une hausse impressionnante dans les zones périurbaines et de façon transversale dans tous les milieux au faible niveau d'éducation. Plus tard, en 2011, au moment du passage houleux de témoins à Marine Le Pen, on commencera à parler autour d'elle de nécessaire dédiabolisation du Front national comme condition d'une nouvelle progression. Et le meurtre du père a, de fait, entraîné une rupture avec un langage habité par l'histoire des années 1930, celle de la Deuxième Guerre mondiale et les mémoires des plaies vives de la guerre d'Algérie. Cette dédiabolisation a notamment donné congé à l'antisémitisme ouvert ou rampant qui suintait de la bouche du chef. Mais le Front national est du même coup apparu pour ce qu'il était devenu en profondeur, un national-populisme et un national-protectionnisme. Ces deux formules faisant directement écho aux thèmes et aux formulations de ce qu'on a appelé la droite révolutionnaire autant que la gauche réactionnaire des années 1890-1914. Je fais référence là aux ouvrages de Zev Sternel et de Marc Crapez. Cette culture nationale populiste et nationale protectionniste était en rupture avec la vision économique première de Jean-Marie Le Pen. Les programmes économiques du parti dans les années 1980 restaient en effet d'inspiration ouvertement libérale. Le Front national ne cessait alors de dénoncer le trop d'État, comme les charges fiscales pesant abusivement sur les PME, tout en considérant en même temps que le désir de profit et le désir de propriété étaient les moteurs incontournables de l'économie. Et c'est ensuite la démission de l'État qu'il stigmatisera au contraire, comme les profits du capitalisme financier, les questions économiques et sociales occupant en outre une place beaucoup plus importante dans son programme. Et le parallélisme avec la littérature de la fin du XIXe siècle sera également frappant sur ce point, redonnant consistance à l'idée chère à Édouard Drummond d'un anti-capitalisme national. Et le nouveau Front national de Marine Le Pen pourra ainsi se présenter comme plus à gauche qu'un parti socialiste gestionnaire. Et on verra même aux élections européennes de 2009 un tract provocateur du parti distribué dans le Nord avoir pour slogan « Jean Jaurès aurait voté Front national ». En citant ce dernier, à celui qui n'a rien, le parti est son seul bien. Et c'est le moment aussi où, dans son programme de 2012, intitulé « Pour que vive la France », Marine Le Pen n'hésitera pas à citer Karl Marx ainsi que le manifeste des économistes atterrés. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Pierre Auzan-Vallon, les années 1968-2018, une histoire intellectuelle et politique. Aujourd'hui, nouvelle culture politique au tournant des années 1990, du néo-républicanisme au nouveau FN. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre Auzan-Vallon. Son essai « Le bon gouvernement » est disponible désormais dans la collection Point Seuil depuis 2017. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Lundi, nous poursuivrons notre exploration des nouvelles cultures politiques des années 1990 en compagnie de Pierre Auzan-Vallon. Et dans quelques instants, nous retrouvons Les Petits Matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.